Chapitre 7e. Actionnaire et directeur. Le baron Walker avait espéré que la faillite de la compagnie dont il était le directeur aurait lieu avant la réunion des actionnaires. Par malheur, ou plutôt par bonheur, ses odieux calculs s'étaient trouvés déjoués, grâce à l'irrégularité signalée dans la procédure par l'avocat consultant de New York. Il se rendit, l'esprit rempli de vagues inquiétudes, chez son digne collaborateur Nathaniel Frog. « Dormez tranquille sur vos deux oreilles, mon cher, » répondit le Yankee. « L'affaire est dans le sac. Qu'importe que les actionnaires se réunissent avant ou après la déclaration de la faillite, cela ne changera rien à la chose. Cependant, si la compagnie allait trouver de nouveaux fonds pour continuer et relever l'affaire. » Nathaniel, en entendant cette objection, partit d'un éclat de rire homérique. « Les huiles minérales ne trouveront pas un penny sur la place, » répliqua-t-il. « Les actionnaires sont comme les rats, qui ont l'instinct de se sauver d'un bâtiment qui menace ruine. Lorsque la débâcle arrive, il se produit un sauve-qui-peut général dont rien ne saurait arrêter l'impulsion. « Savez-vous, poursuivit-il, quels sont les actionnaires qui vous restent ? C'est le fretin. Les vrais spéculateurs ont vidé leur portefeuille pendant la hausse. Les détenteurs actuels d'actions sont de pauvres diables que l'amour du lucre a enfiévrés. Au lieu de vendre dans le bon moment, ils ont continué à acheter quand la baisse est survenue. En se cotisant tous, ils ne parviendraient pas à réunir 80 000 $. Me conseillez-vous d'assister à cette maudite réunion ? Demanda Walker. Sans aucun doute, mon cher. Préparez un rapport qui expliquera d'une manière irréfutable la déconfiture sociale. Vous avez beau jeu, allez de l'avant sans crainte, rejetez sur moi toute la responsabilité de ce qui est arrivé. Établissez par des chiffres, et c'est facile, que l'unique cause du désastre et l'augmentation des tarifs de transfert du Grand Ouest. Vous pouvez au besoin, continua Nathaniel, trouver un très joli mouvement oratoire, en vous élevant énergiquement contre la passion désordonnée du gain qu'affichent sans pudeur les compagnies de chemin de fer. Démontrez même les dangers que l'excès de liberté dont nous jouissons chez nous entraîne avec lui. Vantez les avantages du régime protectionniste qui existe en France, et je vous réponds que vous serez chaudement applaudi par tous les imbéciles qui vous écouteront. Le thème que vous venez de développer serait excellent si je pouvais compter sur mon secrétaire général, repartit le baron, mais je le connais. Il est capable de contrecarrer et de détruire, un à un, tous mes arguments. Quelle sorte d'individu est-ce donc ? Demanda Nathaniel Frog. C'est un honnête homme, répondit piteusement Walker. Au diable ! Il n'accusait que vous, riposta le Yankee. Lorsqu'on fait une affaire importante, on doit avoir soin de ne s'embarrasser jamais de ses non-valeurs. Dans une circonstance donnée, elles peuvent devenir dangereuses. Enfin, ce qui est fait. Si votre secrétaire général jette des bâtons dans vos roues, répondez-lui sans vergogne. Reproche-lui sa mauvaise administration, son incapacité notoire, criez plus fort que lui, et tous les actionnaires feront chorus avec vous. Le baron Walker, grâce à ses conseils, sortit complètement réconforté de l'hôtel de Nathaniel Frog. La réunion des actionnaires dans la salle du théâtre Niblo devait avoir lieu à 2 heures. Walker consulta sa montre, il n'était que midi. « Prenons des forces pour livrer la bataille, » se dit-il en entrant dans un des meilleurs restaurants de Broadway. Il s'assit à une table vide et il apporta un soin tout particulier dans la composition de son menu. Nous ne donnerons pas, de crainte de ralentir notre récit, la liste des plats fins que le gourmet baron se fit servir, non plus que les noms des crus supérieurs dont il les arrosa. Nous ne bornerons à mentionner que lorsqu'il eut déjeuné, il se trouvait dans cet état de bien-être lucide qui prédispose à certaines natures aux luttes de la parole. Après avoir fait suivre son déjeuner d'une promenade hygiénique, il arriva devant le théâtre Niblo. Une foule considérable, composée d'actionnaires de la Compagnie Générale des Huiles Minérales, stationnait près des abords du théâtre. Nathaniel Frog avait dit vrai en affirmant que la réunion brillerait par l'absence du dessus du panier de la finance. La plupart de ceux qui attendaient l'ouverture des portes étaient de pauvres airs à l'aspect famélique, les uns des petits marchands, les autres des domestiques et quelques rares rentiers. De sourds murmures s'échappaient du milieu de cette foule bigarrée. On y sentait passer par moments ces courants électriques qui enfièvrent les hommes à certaines heures. Le baron Walker était bien connu de tous et sa présence fit sensation. Quelques sifflets l'accueillirent à son arrivée. Walker, sans se laisser intimider par ces signes non équivoques d'hostilité, toisa la foule d'un air majestueux et entra dans la salle. Il avait été devancé par l'ingénieur en chef et par le secrétaire général qui, déjà, s'était installé au bureau. Ils se levèrent en l'apercevant et lui adressèrent un salut glacial. Le baron comprit qu'il fallait payer d'audace et il s'assit sur le fauteuil placé au milieu de l'estrade afin de présider la réunion. Lorsque la foule avait vu Walker entrer, elle s'était précipitée comme une trombe dans la salle. Ce fut un véritable tumulte. On se bousculait, on s'écrasait pour s'asseoir sur les banquettes. Il y eut même, par-ci par-là, des horions échangés. Enfin, on se tassa et peu à peu le silence se fit. Le directeur, jugeant que le moment d'ouvrir la séance était venu, agita la sonnette. « Monsieur le baron compte-t-il prendre la parole ?» lui demanda Lavernet, qui siégea à sa droite. « Sans doute, c'est mon droit et mon devoir. Si vous avez des observations à présenter ou des communications à faire, vous serez libre de vous expliquer lorsque j'aurai rendu compte de la situation de la société. » Maurice s'inclina. Walker frappa trois coups secs sur le bureau pour indiquer qu'il allait parler, puis il se leva. Tous les chuchotements des actionnaires cessèrent comme par enchantement. On aurait entendu voler une mouche. Le baron, sans être un orateur de premier ordre, avait cette concision et cette clarté nécessaires au langage des affaires. Il retraça à grands traits l'historique de la société, les dépenses faites dans son intérêt, les horizons brillants qui s'ouvraient devant elle. Puis, avec des larmes de la voix, il montra toutes ses espérances déçues et la hideuse faillite qui frappait à ses portes. Ce mot sinistre, qui tombait comme une douche glacée sur la tête des actionnaires, fut accueilli par de sourds grondements. Le directeur attendit que l'orage se fût apaisé pour reprendre la parole. Sa voix, comme son attitude, s'était modifiée. Autant il avait été insinuant dans la première partie de son speech, autant il devint acerbe et amer dans la seconde. Comment notre édifice, si solidement construit, s'est-il écroulé ? Fit-il d'un ton indigné. Mon devoir est de vous l'apprendre, et je n'y faillirai point. Je vous dirai les noms de ces hommes, de ces misérables dont la cupidité nous tue. Leur nom ! Crièrent plusieurs voix. Encouragé par cette approbation, le baron entama un réquisitoire contre la compagnie des chemins de fer qui, en triplant le tarif de transport des huiles, avait causé la ruine de la société. Le nom de Nathaniel Frog, qu'il prononça, fut aussitôt couvert de sifflets. Un actionnaire proposa de le lyncher sans autre forme de procès. Un autre, moins expéditif, émit l'avis de faire une de ces manifestations populaires qui, en France, deviennent révolutions et qui, aux États-Unis, ne sont que de simples et inoffensifs tumultes. Walker avait si habilement détourné l'orage qui le menaçait que des bravos frénétiques accueillirent sa péroraison. « Je crois que ce qu'il nous reste de mieux à faire maintenant, c'est de lever la séance, » dit-il à l'oreille du secrétaire général. « L'Assemblée, » répondit avec fermeté Maurice de Lavernay, « ne se séparera pas sans avoir entendu mon rapport et les propositions que l'ingénieur en chef de la société veut lui soumettre. »« Un rapport, des propositions que je ne connais pas. Que signifie tout cela ?» repartit le directeur d'un ton hautain. « Vous les connaîtriez si vous n'aviez pas, depuis plusieurs semaines, « déserter les bureaux du siège social, » répondit le secrétaire général sur le même ton. Puis, et sans discuter davantage, il agita la sonnette pour réclamer le silence. Le baron, surpris de tant d'audace, voulut protester. Mais Kerlusset, qui jusqu'à ce moment était demeuré muet, lui saisit le bras. « Si vous faites la moindre résistance, » lui dit-il, « je vous dénonce comme le complice de Nathaniel Frog. » Walker, devant cette menace, pâlit. Et n'osa plus insister. Cependant, Lavernet s'était dressé tout debout et s'adressant à la foule encore tout agitée par la colère qu'avait soulevée contre Frog l'habile discours du baron. « Gentlemen, on vient de vous parler de la déplorable situation de la société, mais on a omis de vous indiquer les moyens de l'améliorer. « Rêverie, illusion puérile !» balbutia le directeur, assez haut cependant pour être entendu de toute la salle. « La faillite sera prononcée demain. « J'affirme le contraire, » répliqua Maurice d'une voix vibrante. « La cause de notre désastre, » continua-t-il, « c'est l'élévation des tarifs du Grand Ouest. Eh bien, nous nous passerons de lui. »« Indiquez le moyen, » fit Walker d'un air de défi. « Il est bien simple, » répondit le secrétaire général, « c'est d'établir nous-mêmes un railway qui transportera nos produits de Pennsylvanie à New York. »« Pour cela, il faudra un capital de 3 ou 4 millions de dollars, » interrompit le directeur. « Où les trouverez-vous ? » On peut émettre des obligations pour une somme équivalente, repartit Maurice. et vous ne trouverez pas un souscripteur pour un seul dollar, dit Walker en haussant les épaules. C'est une erreur, proféra une voix partie de la foule, car je souscris moi pour la totalité de l'émission. On crut d'abord, tellement cette offre paraissait invraisemblable, qu'elle sortait de la bouche d'un fou ou d'un mauvais plaisant. Des grognements sourds circulèrent par toute la salle. Le directeur se contenta de sourire d'un air de pitié. Lavernet, qui connaissait l'auteur de la proposition, agita de nouveau sa sonnette pour commander le silence. « Je demande que la personne qui vient de faire l'offre dont il s'agit veuille bien monter au barreau pour la renouveler. » Il se fit aussitôt un remous dans l'assemblée pour livrer passage à celui qui avait parlé et qui jouait énergiquement des coudes pour arriver au bureau. Ce personnage, a-t-il besoin de le dire, était Maître Maxou. Lorsque le baron Walker reconnut le liquidateur de la succession Colfax, il sentit un frémissement dans tout son corps. Il commença à comprendre que la lutte allait devenir sérieuse. Si près du port, allait-il échouer? À cette pensée, une sueur glacée inonda son front. Lorsque le jeune avocat eut pris place sur l'estrade, la foule rentra dans son immobilité silencieuse. Elle pressentait instinctivement, elle aussi, que quelque chose de grave allait se produire. « Gentlemen, » dit Maître Maxou, d'une voix nettement accentuée, « je renouvelle ici l'offre que j'ai faite tout à l'heure. Je suis prêt à souscrire toutes les obligations dont il vient d'être question, et de plus, je les paierai comptant. » Des hurrahs frénétiques éclatèrent de toutes parts. « votre nom !» exclamèrent plusieurs voix. « Mon nom ne fait rien à l'affaire, » répondit l'avocat, « mais ce qu'il vous importe de savoir, c'est que je suis le mandataire de la fille adoptive de Sir John Colfax, dont le nom est bien connu dans toute l'Amérique. « Hurrah pour la fille adoptive de Sir John Colfax !» Hurrah !« Hurrah pour son mandataire !» hurla la foule, avec des applaudissements de mains et des trépignements de pieds. L'enthousiasme était si grand qu'il fut question un instant de porter Maître Maxou en triomphe. Walker, en même temps qu'il assistait à l'écroulement de ses châteaux en Espagne, comprenait qu'il ne lui restait plus qu'à faire promptement volte-face afin de conserver la direction de la société. « Je crois, dit-il, répondre aux vœux de l'Assemblée en adressant publiquement mes remerciements à Miss Colfax et à son honorable représentant pour le concours qu'ils apportent à la Société Générale des Huiles Minérales. » Le jeune avocat dédaigna de répondre à cette avance insidieuse. « Il me reste, continua-t-il, en se tournant vers les actionnaires, à vous faire connaître la condition que Miss Colfax met à sa souscription. Et elle désire que la gestion de la société soit confiée à des personnes ayant foi entière dans sa réussite. En un mot, elle exige le remplacement du directeur actuel. C'est une insulte personnelle, fit Walker, incapable de retenir plus longtemps sa colère. J'ai d'excellentes raisons pour parler de la sorte, répliqua Maître Maxou d'un ton de mépris. Avez-vous donc confiance dans l'entreprise dont vous étiez le directeur, vous qui, il y a un instant, proclamiez bien haut que la faillite était le seul dénouement possible? Et ces fonctions de directeur, les avez-vous remplies avec intégrité, vous qui, profitant d'une hausse exagérée, avez vendu au prix maximum toutes vos actions que vous auriez dû garder comme garantie de votre direction? Enfin, êtes-vous digne de confiance, vous qui avez su vous retirer, enrichi de l'affaire, lorsque vos malheureux actionnaires allaient être complètement ruinés? L'envoyé de Miss Colfax avait prononcé cette écrasante accusation avec un accent indigné, et le baron Walker, pressentant dès les premières paroles que la partie était définitivement perdue pour lui, n'eut plus dès lors qu'une préoccupation, qu'un désir, c'était de pouvoir s'esquiver sain et sauf du guépier dans lequel il s'était si imprudemment fourré. « Sic vos non vobis, » murmura-t-il avec un air de dignité offensée. Il chercha à s'éclipser après avoir prononcé ces mots. Mais la retraite était peu facile, et l'on s'apprêtait à lui faire un mauvais parti, malgré l'intervention de Kerlusset, de Lavernet et de Maître Maxou, lorsqu'un nouvel incident se produisit. Un facteur du télégraphe venait de se frayer un passage à travers la foule menaçante et remit au baron une dépêche venant de France. Le baron ouvrit cette dépêche, poussa un cri, puis ses bras battirent l'air comme pour chercher un appui, et il tomba, ainsi qu'une masse, sur les marches de l'estrade. La colère de la foule s'apaisa subitement à la vue du baron évanoui, mort peut-être. Deux hommes se présentèrent aussitôt pour le transporter hors de la salle et lui faire donner les secours que son état réclamait. Lorsque l'émotion causée par cet incident se fut calmée, Maurice de Lavernay annonça à l'Assemblée que l'ingénieur en chef avait à faire une importante communication. Cette communication, nous la connaissons, c'était le projet de l'établissement d'un canal partant du lac de pétrole de Pennsylvanie pour aboutir à l'Atlantique. Quand le vicomte Carlucet eut fait connaître que les dépenses ne dépasseraient pas la moitié du prix d'un railway ordinaire, l'admiration devint de l'enthousiasme. Tous les actionnaires avaient rapidement saisi les résultats de cette merveilleuse découverte. Là, où un instant auparavant ils voyaient la ruine, brille à présent le mirage doré d'un immense succès. Séance tenante, l'ingénieur en chef fut proclamé directeur de la société dont le baron de Lavernay restait secrétaire général, et un nouveau comité de surveillance fut choisi parmi les actionnaires les plus intelligents. L'assemblée se sépara sur cette double décision. Maître Maxou, qui jusqu'au dernier moment avait ignoré la découverte faite par Carlucet, était dans un ravissement inénarrable. « Décidément, vous êtes un homme supérieur, » dit-il à Maury en lui pressant les mains. « Et pour cette fois, la fortune n'aura pas été aveugle en vous accordant ses faveurs. Dès ce jour, je vous regarde comme un des futurs princes de la finance. » « Je ne suis pas ambitieux, » répondit le jeune ingénieur, « et je ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir mener à bonne fin l'entreprise dont la direction m'est confiée. Demain, les actions de la société seront revenues à leur taux d'émission, » répliqua le fondé de pouvoir de Miss Colfax, « et à moins un mois, elles auront doublé de valeur. Que Dieu vous entende, » dit le nouveau directeur. Le soir de cette heureuse journée, le petit cottage de la baie de Hudson était en fête. Autour d'une table délicatement servie s'asseyaient Maître Maxou, Amaury, Maurice, Ève et Marcel. La joie la plus expansive régna pendant tout le repas. Le temps des rudes épreuves s'était enfui, et l'avenir se présentait à tous sous les plus riantes couleurs. Le jeune avocat, au moment de se retirer, annonça que le lendemain, aussitôt après avoir versé les 15 millions dans la caisse de la société, il quitterait les États-Unis. « Partez, puisqu'il vous tarde tant de revoir la France, » lui dirent les deux jeunes femmes, « et portez à notre chère Flavia l'expression de notre affection et de notre reconnaissance, car notre salut est son œuvre. « Et vous, » fit Maître Maxou à mi-voix, en se penchant vers Carlucet et Lavernay, « ne me chargerez-vous d'aucune commission pour Miss Colfax ?»« Dites-lui que j'ai pardonné, » répondit Amaury également à voix basse. Maury cependant gardait le silence. « Serez-vous donc toujours inexorable ?» lui dit tout bas le jeune avocat. Lavernay hésita un moment, puis, vaincu à son tour, « vous pouvez annoncer à Miss Colfax que je m'efforcerai d'oublier, » répondit-il. « Je lui rapporterai fidèlement vos paroles, » répliqua Maxou. « Ils seront, je vous l'affirme, accueillis avec bonheur. »« À quelle heure comptez-vous partir ?» demanda Marcel au jeune avocat. « Demain, à 10 heures du matin. »« À 10 heures, nous serons sur la jetée, afin de vous faire nos adieux, » dirent simultanément les deux jeunes femmes.